Qu'est-ce qu'il y a? Fat Cap, fichier Vandal, Yoko City. Ça les scandalise, les fils de... En tout cas, moi, tout ce que je peux te dire, c'est que quand ils passent, ça vandalise. Et vise le beat, tiens, analyse. Fat Cap! Yeah, pour eux, ça puffe du sec, man. Moi, je peux te dire même, ça balise. Y'a Yo Joey, Vandal High Tech. Mais t'es qu'un pec, pour la comatec. Fat Cap, passe le cap, baby. Passe le cap. Hey. Sac de bobo rempli pour placer, poser, déposer partout, les moyens partout, surtout ce qu'ils voient sans qu'on boit, convoiter les voies ferrées pour me les ferrer, foncer un train sans me faire alpac, hey, altac, hey, c'est pas une plaque, hey, je peux me faire plomber par des cons déchirdés, quand chirdés ou des cons détraqués, de quartier, matraqué, de chrome, de fat, camion, explosé, propriétaire, enragé sur mon trajet, je suis une tragédie, j'attaque avec stratégie, comme de risquer, c'est risqué, on me recherche, suffit, c'est vandale, artiste en cavale, je vandalise, scandalise, analyse, que je réalise, je suis comme un fat. Je diffuse des phases, tape en flac, des floppy de flop. T'es flappy, un papy, t'es rappé, j't'ai fait ta thérapie. Et est-ce que t'as pigé? J'ai le flow, fluide, suis le guide, le leader. Les pompes, j'les vide en speedant. Si dans peu de temps tu croises mon blast, c'est que dans mon passé, par là j'suis passé. En session picturale et issue picturale. Donc j'repasse au fat cap sur ta face de toy après j'taille. Tous des ouf, la bombe à portée de main. C'est qu'on pas, qui sommeille en moi se réveille. Tous des ouf, la bombe à portée de main. Je m'emparie des murs, qu'on parle de moi demain. Tous des ouf, la bombe à portée de main. Le psychopathe qui sommeille en moi se réveille. Tous des ouf, la bombe à portée de main. Je m'emparie des murs, on parle de moi demain. Mon fat est là, ouais. Cap est là, stop la cap est là. Faire de l'accent comme sur le périph', en tête en son lourd comme Paris. À la perte si je péris, je m'en fous, je suis pas riche. Je marche les rumeurs et je lâche les rumeurs. Ça me sert et serré sur voie ferrée, cette fois l'affaire est classe et glace et la nuit tombe, je tape des bombes, je suis apté. Job tel, top tel, pop tel. Instructeur, tu prends les risques, ouais. Style les risques, le dodge, il die. Smoke, die. Avant qu'on smoke, on frite sous les bourgeois. On les frite comme la taille, jette les bourgeois. Et laisse ton LS, lâche ton chromat, tu t'élèves. Noir mat et chrome, hélas, chromatech est là. Comme ma technique tonique, torche en poche, tonique, on sursit. J'empoche le succès, je succède, plus vite qu'importe. J'importe, c'est cool, car Smoker tape quand je retape, déroule, car 3x7, adrénaline, d'un trait j't'aligne, d'une pression meurtrière. Oublie tes crimes, des meurtrières, mon crew, un meurtrière. Tous des ouf, la bombe à portée de main. Psychopathe qui sommeille en moi se réveille. Tous des ouf, la bombe à portée de main. Je m'emparie des murs, que les négros parlent de moi demain. Tous des ouf, la bombe à portée de main. Psychopathe se réveille. Tous des ouf, la bombe à portée de main. Je m'emparie des murs. Et hey, oh la bombe, je presse, si tu me fâches, je vais te lyncher, padré. Ainsi je lâche un jet d'adresse. Naline au micro, mais gaz pas trop. Coup de hache d'un trait, j'aligne les microbes trop trop. Mec, pas d'horaire quand j'instaure l'horreur hardcore sur un store. À l'instar des keufs, ça part fort jusqu'à l'horreur. Pas de bluff, j'suis une star qui restaure. C'est parure, au moins disparu. Inspecte comme Nestor avec la carrure. Apparu à Paris, néanmoins disparu ailleurs. Ça varie, mais reste fort, c'est Guess Pop. Le dieu qu'on vénère dans la Lexus. Ne vaut pas me vénère, sinon je te casse le plexus. Et tu sais que ça génère un cas périlleux quand des jeunes errent. Pire qu'un sexagénaire, je reste un gars sérieux, sans gun frère. Respectueux des droits généraux et généreux, c'est le Fat Cap, les trois généraux. Mais tu sais qui sont les rois, les généraux, ya. Tous des ouf, la bombe à portée de main. Mais je veux m'en parler des murs. Tous des ouf, la bombe à portée de main. Je veux m'en parler des murs. Tous des ouf, la bombe à portée de main. Tous des ouf, la bombe à portée de main. Tous des ouf, la bombe à portée de main. Tous des ouf, la bombe à portée de main. Je m'emparie des murs, on parle de moi demain. Tous des ouf, la bombe à portée de main. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.